perdu. Et qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais à Paris, en plein midi, ou bien en plein minuit, sachant que là-bas, tous les chats sont pris. Entre copains, on se tient par la main. Entre copains, on prend le métropolitain. Entre copains, on se fait des câlins. Entre copains, on a peur de rien. Oh.